Vous êtes à l'antenne de CKRL au 89.1 et Futur Simple se poursuit en compagnie de Cyril Barrette. Il est professeur émérite au département de biologie à l'Université Laval et il est avec nous chaque premier jeudi du mois pour nous parler d'évolution et de comportement animal. Aujourd'hui, on apporte un sujet difficile car controversé, la sociobiologie. Bonjour Monsieur Barrette. Bonjour. Alors, pour introduire un petit peu le sujet, je vais revenir sur un sujet qu'on a déjà évoqué dans une chronique précédente. On parlait de l'altruisme chez les animaux. Et vous donniez un exemple, le comportement maternel, donc les mères qui se donnent à leurs petits, et que ce comportement altruiste, finalement, était le résultat de la sélection naturelle parce qu'il permettait d'assurer la survie des petits. Donc, si un comportement est le résultat de la sélection naturelle, on doit en déduire qu'il est en quelque sorte qu'il est sélectionné par la sélection, et que donc il a une composante génétique. Oui, on peut présumer qu'il y a une composante génétique. C'est-à-dire qu'il faut distinguer deux choses. D'abord, un comportement altruiste, c'est un comportement social par définition. Mm-hmm. Et c'est un comportement qui coûte quelque chose à l'individu qui le fait, mais c'est quelqu'un d'autre qui en retire les bénéfices. Oui. Donc, la sélection devrait défavoriser un comportement comme celui-là qui nuit à l'individu qui le fait. Mais il y a les deux éléments qu'il faut considérer, la survie de l'individu et la survie des gènes. Oui, donc, c'est ça. Il y a la sélection naturelle qui, disons, individuelle, qui favorise la survie la survie de l'individu. Mm-hmm. Alors que ce qu'on appelle la sélection parentale ou de parentèle, mm-hmm. c'est la sélection qui favorise la survie des gènes. Oui. Donc, le passage des gènes dans la génération suivante. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'on cite toujours le cas d'une mère et son enfant ou d'une mère et son petit comme l'exemple classique, puisqu'une mère, de toute évidence, se sacrifie pour son enfant. Donc, on dit, voilà, la mère est altruiste. Mais si on se place dans la peau des gènes, si on veut, si on se place du point de vue des gènes, eh bien, dans le fond, elle est égoïste parce que ce qu'elle fait en s'occupant de son petit, même en se sacrifiant pour son petit, c'est d'assurer le passage dans la génération mm-hmm. suivante de la moitié de ses mm-hmm. gènes à elle qui sont portés par son mm-hmm. petit. Et comme c'est ça qui compte le plus, la survie, dans le fond, est comme un prérequis au succès reproducteur. Donc, mm-hmm. la survie, c'est beaucoup moins important que le succès reproducteur. Si on survit, mais qu'on se reproduit pas, on est perdant au jeu de la sélection naturelle. Donc, il faut absolument se reproduire pour gagner à la sélection. Donc, on dit que la mère est altruiste physiquement, mais elle est égoïste génétiquement, puisque mm-hmm. elle est en train de favoriser la survie ou le passage dans la génération suivante mm-hmm. des copies de ses gènes à elle, mm-hmm. portées par son petit. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que, bon, si la sélection naturelle a sélectionné un tel comportement chez les mères, c'est que quelque part, c'est un comportement inné, donc quelque part, il est génétique. Absolument. Donc, il y a une composante génétique à ce que la mère se comporte ainsi. Oui. Puis on le constate. On n'a pas isolé le ou les gènes, mais... Non. Puis c'est sûr que pour un comportement complexe comme celui-là, il n'y a pas un gène. Il y a toute une série de gènes. Et ces gènes sont plus c'est des gènes qui conditionnent des capacités et des mm-hmm. prédispositions, mais qui n'imposent pas nécessairement la performance du comportement. Mm-hmm. Donc, c'est certain que si la mère fait ce comportement, et on voit chez la grande majorité des espèces, la mère ou le père, parfois, s'occupe des jeunes sans qu'il y ait besoin d'apprentissage. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelait dans le passé un instinct, ou mm-hmm. qu'on appelle maintenant un comportement programmé. Mm-hmm. Donc, la mère a hérité des programmes génétiques qui ont eu du succès dans le passé. Et mm-hmm. elle-même est un élément de ce succès, du succès reproducteur de ses parents. Donc, il y a comme une boucle inévitable. Ouais, que si les seuls gènes qu'on observe aujourd'hui, c'est les gènes qui ont eu du succès dans le passé. Mm-hmm. Exact. Et donc, on retrouve, bon, on parle là du comportement altruiste de la mère avec les petits, mais on le retrouve aussi chez les insectes, donc les fourmis, les fourmis soldats qui se sacrifient pour finalement que la reine de la colonie puisse se reproduire. Donc, on retrouve ces comportements. Oui, on retrouve ces comportements. Le cas des insectes sociaux est un peu plus compliqué, un peu plus extrême, étant donné le mode de reproduction. Je ne sais pas si on a le temps d'entrer dans ces détails. Peut-être qu'on va glisser plus vers la sociologie. En fait, je voulais reprendre cet exemple-là pour nous amener aux travaux d'Edward Wilson, qui a travaillé sur les fourmis. Voilà. Qui a écrit donc un livre, c'était en 1975. Oui, c'est-à-dire qu'il a écrit un livre en 1971, qui est dans sa spécialité sur les insectes sociaux. Mm-hmm. Et ensuite, en 1975, il a écrit un livre qui s'intitule La sociobiologie ou La synthèse de la sociobiologie, qui est la Bible de la sociobiologie. C'est la naissance, si on veut, de la sociobiologie, où il a emprunté ou il a utilisé les théories qu'il avait développées sur les insectes pour les appliquer à tous les animaux, mm-hmm. y compris aux humains. Mm-hmm. Donc, dans son livre de 1975, c'est vraiment la naissance de la sociobiologie. Oui, donc, quelle est la partie de ses observations, de ses connaissances sur les fourmis qu'il utilise là, dans son livre pour ensuite aller vers les comportements animaux puis humains? Bien, ce qu'il utilise, c'est la théorie, dans le fond. La sociobiologie, c'est simplement l'application de la pensée darwinienne, la pensée de la sélection naturelle, aux comportements sociaux. On comprend facilement qu'on appliquait la sélection naturelle à l'anatomie, à la physiologie depuis longtemps, ou même à certains comportements individuels, comme fuir un prédateur ou attraper une proie ou choisir un bon habitat. Mais quand on parle des comportements sociaux, ce que Wilson nous dit, puisque il n'est pas le seul, là, il a fait la synthèse, mais il y avait plusieurs chercheurs qui travaillaient là-dessus avant, ce qu'il nous dit, c'est que les comportements sont des adaptations comme l'anatomie, comme la physiologie. Mm-hmm. Les comportements sociaux aussi. Mm-hmm. Donc, on peut appliquer la même pensée darwinienne qui est fondée sur la survie des gènes à long terme, sur la sélection naturelle. On peut l'appliquer aux comportements. Donc, c'est ce que Wilson a fait, puis il a dit dans le cas des comportements sociaux, voilà, on peut les expliquer avec la même pensée de sélection naturelle. Les comportements étant des adaptations qui permettent de bien vivre dans son milieu écologique et éventuellement de se reproduire. Mm-hmm. Sauf qu'une société de fourmis, c'est peut-être pas la même chose qu'une société de lions ou humaines. Non, absolument pas. Non, il faut pas. Les fourmis sont pas un modèle qui s'exporte à 100% pour les autres espèces, de la même façon que la sociobiologie, disons, des chimpanzés n'explique pas toute la sociobiologie des humains. Mm-hmm. Mais la théorie est la même, la pensée est la même, c'est le même cadre de référence qui permet de comprendre le comportement social des fourmis et le comportement social de l'humain, même si la forme est complètement différente dans les comportements. Oui. Est-ce qu'il donne des exemples dans son livre de comportements sociaux qui sont expliqués par la sociobiologie? Chez l'humain? Ben, chez les animaux et puis chez l'humain ensuite, donc avant, pour y aller progressivement. Ah oui, les exemples sont infinis. Je veux dire, on observe presque tous les comportements sociaux, on peut les interpréter dans ce contexte-là. Si on pense, par exemple, à une espèce qui vit en société, évidemment, la sociobiologie s'applique particulièrement aux individus qui vivent en groupes sociaux. Mm-hmm. On pense aux cris d'alarme, par exemple. Mm-hmm. Ben, les cris d'alarme, on dit, ben voilà, un des individus voit un prédateur s'approcher, il pousse un cri d'alarme. On s'attendrait pas à ce qu'il fasse ce comportement puisque il attire l'attention sur lui, mais il le fait pour protéger les gènes qui sont partagés avec la parenté qui est autour de lui puis les individus qui sont proches de lui. Donc, comment interpréter ce comportement de cri d'alarme? Plutôt que de se taire et de se cacher et de s'enfuir, l'individu pousse un cri d'alarme. Mm-hmm. Ça peut être désavantageux immédiatement pour lui, mais c'est avantageux à long terme puisque ça favorise des copies de ses gènes dans ses petits peut-être ou dans ses cousins, ses frères, etc. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas de contradiction. Ça ne contredit pas la sélection naturelle, mais c'est... Il faut se placer avec les yeux des gènes. Il faut regarder le phénomène avec les yeux des gènes et non pas seulement penser en termes de la survie de l'individu, mais de la possibilité de voir les gènes de l'individu proliférer dans la génération suivante. Et comment M. Wilson applique cette vision aux sociétés humaines alors? Ben voilà, alors son livre contient 27 chapitres. Les 26 premiers parlent de tous les autres animaux et le 27e est consacré à l'humain. C'est ce qui lui a attiré beaucoup de critiques parce que lui prétend que, dans le fond, la biologie et la sociobiologie va éventuellement être à la base de toutes les explications des sciences humaines et des sciences sociales. La sociologie, la psychologie, l'anthropologie, pour lui... La pensée darwinienne va être au cœur des explications de tous les comportements humains. Mm-hmm. Mais si on le lit attentivement, on constate que ce qu'il dit, c'est que la pensée darwinienne, la pensée biologique, est indispensable pour comprendre le comportement humain. Il ne dit pas qu'elle est suffisante. Parce qu'évidemment, avec la culture, avec les valeurs de civilisation, avec l'éducation chez l'humain, les comportements sociaux prennent des formes et des nuances beaucoup plus élaborées, beaucoup plus complexes que même chez les chimpanzés, puis il y a plus forte raison chez les fourmis. Donc, on ne peut pas transposer directement ce qu'on trouve chez les lions, on ne peut pas le transposer à l'humain. C'est l'erreur que plusieurs critiques ont fait. Plusieurs critiques ont dit, mais voilà, Wilson est en train de nous dire que l'humain comme toutes les autres espèces, serait esclave de ses gènes. Mm-hmm. Serait une espèce de robot qui obéit aux gènes, d'où l'expression « les gènes égoïstes qui nous contrôlent mm-hmm. ». Mais ça, c'est une caricature de la sociobiologie. Si on lit attentivement ce qu'on nous dit, bien, on voit très bien qu'il y a beaucoup de comportements sociaux humains qui s'expliquent très bien mm-hmm. dans la même pensée darwinienne que mm-hmm. les comportements des lions et des macaques. Mm-hmm. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu quelques dérives politiques avec la sociobiologie, donc qui ont certaines pensées politiques peut-être un peu extrémistes, qui ont repris, qui ont justifié finalement ce qu'ils pensaient par la sociobiologie? Voilà. C'est dans les années 80. Alors, la sociobiologie, donc, son acte de naissance est en 75, et mm-hmm. dans les années 80, et ça a débordé un peu dans les années 90, mais surtout les années 80, il y a tout le monde, ou presque, qui voulait supporter ses propres idéologies, mm-hmm. ses propres préjugés sur les comportements humains, ben a vu là une sorte de validation scientifique ouais. avec la sociobiologie. Alors, on pense à des partis d'extrême droite, par exemple, où on pense aux gens qui voudraient favoriser le sexisme ou le mm-hmm. racisme. Ben voilà, on dit, voilà, on a, dans la sociobiologie, on a une explication scientifique de la xénophobie. On mm-hmm. a on faisait un pas de plus, on disait, ben voilà, on a une justification. Non seulement on a une explication, mais on a une justification. C'est ce qu'on appelait avant la sociobiologie le darwinisme social. C'est ça, oui. Ouais. Mais qui est très mal nommé, parce que c'est comme si on condamnait Darwin mm. pour le darwinisme social, alors que c'est pas lui du tout qui a inventé ça. Et même c'est le contraire, Darwin était totalement opposé à tout ce qu'on appelait à son époque le darwinisme social. Dans le fond, Darwin nous dit, mes théories nous montrent ce qui se passe dans la nature, et ce qui se passe dans la nature, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire mm-hmm. pour faire une vie humaine civilisée. Alors que les exemples extrêmes, c'est le nazisme, par exemple, où mm-hmm. on disait, ben voilà, on est fondé sur les idées de Darwin, on est justifié de favoriser une race supérieure, puis d'éliminer les gens qu'on juge inférieurs, mm-hmm. les races qu'on juge inférieures. Mm-hmm. Et c'est pas Darwin qui a dit ça du tout. Au contraire, il était un ardent défenseur de l'aide aux plus démunis. Mm-hmm. Il était totalement opposé à l'esclavagisme, etc. Donc, c'est très injuste de parler de darwinisme social. Ouais, c'est lui faire porter sur le dos quelque chose qu'il n'a jamais écrit, finalement. Voilà, il a même écrit le contraire. Il s'est battu pour le contraire. Mm-hmm. Et M. Wilson, lui, est-ce qu'il allait jusque-là dans son 27e chapitre, donc? Non, pas du tout. Pas du tout. Chez Wilson, non plus, il n'y avait pas cette composante-là. Non. Chez Wilson, on ne trouve pas du tout ses excès, mais c'était facile de les récupérer pour des fins idéologiques. Mm-hmm. De la même façon qu'en 1976 est paru le livre « Le gène égoïste » de mm-hmm. Richard Dawkins, qui était dans le fond une vulgarisation pour le grand public de la sélection naturelle et de la sociobiologie. Et on a beaucoup accusé Dawkins de vouloir considérer même les humains comme des robots insensibles, mm-hmm. Esclaves de leur gène. Mais si on lit Dawkins jusqu'à la fin, dans la dernière phrase de son livre, il dit très clairement que l'humain est la seule espèce capable de se rebeller contre les gènes égoïstes. Mm-hmm. Donc, mais si on ne lit pas cette phrase-là, on peut très bien déformer ce que Dawkins nous a dit. Donc, l'humain est un cas spécial. Et ça, c'est parce que c'est comme il est capable de se rebeller contre ses gènes égoïstes, c'est parce qu'il s'est émancipé de la sélection naturelle, en quelque sorte. Voilà. Et comme on est émancipé de la sélection naturelle, on en a déjà parlé, mm-hmm. dans le fond, émancipé de la sélection naturelle, ça veut dire que pour nous, les caractères anatomiques, physiologiques ou même les comportements sociaux ne sont plus corrélés avec le succès reproducteur comme ils le sont chez toutes les autres espèces. Mm-hmm. Donc, émanciper de la sélection naturelle, ça veut dire que ça nous permet de faire des choses qui sont contre nature. Mm-hmm. Contre nature dans le sens qu'on ne les trouve pas ailleurs dans la nature et ça va à l'encontre des impératifs de la sélection naturelle. Les exemples évidents, c'est l'avortement, par exemple, ou l'homosexualité exclusive, ou l'adoption, mm-hmm. des choses qu'on voit pas chez les autres espèces, mais nous sommes capables de faire ça mm-hmm. parce que nous sommes émancipés de la sélection. Mm-hmm. Donc, ça nous... affranchissement de la sélection naturelle nous conduit à avoir des comportements qui échappent complètement à la sélection naturelle. On a des... Oh, absolument. Ouais. Des comportements qui, là, ne peuvent absolument pas s'expliquer par les impératifs de la sélection mm-hmm. naturelle. C'est autre chose. Ouais. Mais donc, on voit un petit peu quand même ce que M. Wilson disait et ceux qui ont récupéré sa théorie, comment ils l'ont récupéré à leur profit. Mais est-ce qu'il y a quand même, dans ce que dit Wilson, des explications à certains de nos comportements, comme, je ne sais pas, le comportement guerrier ou autre? Est-ce qu'il y a quand même des effets de certains de nos comportements qui s'expliquent par la sociobiologie, selon Wilson? Oh oui, absolument, absolument. Et puis on voit dans les études récentes, ben depuis 75, donc ça fait plusieurs années, ça fait où on étudie des comportements sociaux humains qui sont tout à fait conformes à l'interprétation de la biologie, à l'interprétation darwinienne. Mm-hmm. Et comme quoi, par exemple que... Ben, si on pense à la recherche de nourriture en groupe, mm-hmm. ou l'altruisme réciproque dans un groupe, la coopération dans un mm-hmm. groupe. Qu'est-ce qui fait qu'on coopère beaucoup plus facilement avec les gens qui sont proches parents de nous? On trouve ça évident, mm-hmm. on trouve ça naturel, mm-hmm. mais pourquoi est-ce qu'on trouve ça naturel? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin de l'apprendre? Les règles sociales dans un groupe et l'imposition des règles et les punitions qu'on impose aux gens qui ne respectent pas les règles sociales, toutes ces règles permettent la cohésion du groupe. Et mm-hmm. la cohésion du groupe est indispensable à la survie des individus et leur survie est indispensable à leur succès reproducteur. Donc, vous voyez que ça passe. Ouais, ouais. Le succès reproducteur, dans ce cas-là, passe par la culture, par les mœurs locales, par la tradition locale. Mais il y a encore un lien mm-hmm. avec la génétique. Mm-hmm. L'image que j'aime bien utiliser, c'est que chez les autres espèces, le lien entre les gènes et les comportements sociaux, c'est comme une barre rigide. Mm-hmm. qui conditionne d'une façon obligatoire les comportements. Alors que chez nous, l'humain, le lien entre les gènes et les comportements, c'est comme une laisse. Il y a un curseur et on peut en mettre un peu plus ou un peu moins. Mais c'est comme une laisse très élastique. Il y a encore un lien, mais le lien passe par la culture, par l'éducation, par les mœurs locales, par les préférences personnelles, etc. Donc, le lien est encore là, mais il est plus difficile à détecter. Mm-hmm. Et quand on étudie, par exemple, les peuples chasseurs-cueilleurs qui existent encore aujourd'hui, on comprend très, très bien les raisons pour leur organisation sociale, pour leur façon d'utiliser l'environnement, pour mm-hmm. leur façon de chasser, etc. On les comprend très bien avec les mêmes arguments, les mêmes théories avec lesquelles on essaie de comprendre les lions ou les loups. Mm-hmm. Mais évidemment, c'est encore beaucoup plus nuancé, beaucoup plus varié, beaucoup plus complexe parce que chez l'humain, il y a la culture qui s'ajoute par-dessus mm-hmm. la nature mm-hmm. animale, si on mm-hmm. veut. Et qu'est-ce qu'il en est de tous les comportements de compétition qu'on peut observer dans la société humaine, ou des rapports de force? Est-ce qu'on peut les expliquer à travers la sociobiologie? Absolument. Oui? Absolument. Nous sommes encore des primates. Ouais. L'humain est encore un primate. Et on peut s'en rendre compte particulièrement dans l'exemple que vous citez, la compétition. Les gestes agressifs. Il n'y a pas toujours de physique, d'ailleurs. Ça peut être une compétition, je ne sais pas, monétaire, les plus riches. Qui prend toutes sortes de formes nuancées et indirectes, mm-hmm. mais on se comporte beaucoup comme des macaques, encore aujourd'hui. Et puis, on peut l'observer dans les contextes de compétition, dans les contextes difficiles, quand les conditions sont très difficiles, où il suffit d'aller dans un bar à 3 heures du matin, et puis on voit ressortir le macaque très facilement mm-hmm. dans les comportements de séduction, de mm-hmm. reproduction, etc. L'humain, l'animal humain est toujours là. Alors, évidemment, il faut toujours éviter, dans ces cas, mm-hmm. en ce qui concerne l'humain, il faut éviter les caricatures trop simplistes mm-hmm. qui vont tout expliquer avec les gènes. Si on peut le faire, si c'est une meute de macaques, mais si c'est un groupe d'humains, la réalité animale est toujours là, mais elle est beaucoup plus nuancée. Donc, c'est ça qu'il faut éviter. Il faut éviter de faire des caricatures simplistes pour expliquer le comportement social humain. Ouais. Mais l'explication biologique est encore là. Oui, mais comme vous disiez, on a aussi les moyens, par la raison et l'intelligence, d'adopter des comportements un peu plus... raisonnable, un peu plus... On n'est pas obligé de se plier à ces... On n'est pas obligé. On n'est pas esclave. On peut s'en libérer. Si on pense, les exemples classiques d'explications qui peuvent devenir simplistes, c'est qu'est-ce qui fait qu'on trouve tout à fait normal, tout à fait naturel, qu'un homme, tout le reste étant égal, préfère comme partenaire une femme plus jeune? Mm-hmm. Puis qu'à l'inverse, une femme préfère comme partenaire un homme un peu plus âgé. Mm-hmm. Mais ça s'explique très bien mm-hmm. en termes darwinien, en termes de ressources, en termes de succès reproducteur éventuel. Mm-hmm. Alors là, encore une fois, il ne faut pas tomber dans les explications caricaturales et simplistes. Exactement. Mais le fond de l'histoire est... Autrement dit, les gènes chez nous murmurent mm-hmm. derrière. Ils sont toujours là. Mm-hmm. Les programmes génétiques dont on a hérité de nos ancêtres étaient très utiles chez eux. Ils sont encore là chez nous. La cause de nos comportements est encore la même, mais la fonction est différente puisque c'est déconnecté du succès reproducteur dans la grande majorité des cas. Ouais, ouais. Et si on en revient aux comportements animaux, parce que la sociobiologie, donc dans son livre, Wilson, il y avait 26 chapitres sur les comportements animaux, puis un sur la société. Donc, j'imagine que la science a continué d'évoluer de ce côté-ci aussi. Oui, absolument. C'est un domaine de recherche extrêmement excitant, extrêmement dynamique de nos jours. Il y a des milliers de chercheurs qui travaillent sur tous les groupes d'animaux que vous pouvez imaginer, y compris chez l'humain, les insectes, les poissons, les oiseaux, etc. Il y a des congrès annuels très, très courus, y compris au Québec. Il y a une société québécoise pour l'étude biologique du comportement qui existe depuis une quarantaine d'années et plus et qui... tient un congrès annuel qui est très, très couru. Il y a énormément de chercheurs qui s'intéressent à ce domaine-là. Mais là, ici, on parle de la sociobiologie scientifique. Là, on parle pas de, on parle pas de la déformation caricaturale qu'on voit dans les médias. C'est bien ça. Au point d'ailleurs que ça a changé de nom. On n'appelle plus ça la sociobiologie. Ben, la plupart des chercheurs aujourd'hui qui travaillent dans le domaine n'utilisent plus le mot sociobiologie. Ce terme-là a été sali. Alors, C'est ça. Alors, on préfère dire ce qu'on fait de l'écologie comportementale. Oui. Alors, dites-nous, qu'est-ce que c'est, ça, écologie comportementale? Ça paraît bizarre, écologie, comportement d'un côté? Bien, pas du tout. C'est que on trouve toujours évident que l'anatomie et la physiologie constituent des adaptations aux conditions écologiques. Mais les comportements aussi, le choix de l'habitat, la fuite des prédateurs, l'organisation sociale, la taille des groupes. La recherche d'alimentation, tout ça, ce sont des comportements qui sont des adaptations qui aident l'animal à mieux survivre et à mieux se reproduire. Donc, écologie comportementale, c'est peut-être le domaine le plus dynamique présentement, un des domaines les plus dynamiques dans l'étude de la biologie des organismes vivants. Mais si on travaille chez l'humain, on ne dira pas tellement écologie comportementale, mais on va utiliser plutôt psychologie évolutive. Mais la psychologie évolutive, c'est exactement la sociobiologie. Mais on ne veut plus utiliser le nom parce que le nom a acquis une mauvaise réputation parce qu'on l'a récupéré, on l'a caricaturé dans les années 80. Est-ce que vous-même, vous avez mené des recherches en écologie comportementale? Ben, c'était l'essentiel de vos travaux? C'était l'essentiel de mon intérêt de recherche sur les grands mammifères terrestres et marins. Alors, les phoques, les baleines, les caribous, les orignaux, cerfs de Virginie, des espèces exotiques aussi. Parce que c'est des sujets absolument excitants. On observe le comportement social de l'animal, on essaie de le comprendre comme des adaptations à leur milieu avec, comme théorie, la sélection naturelle. C'est passionnant. Absolument. Peut-être qu'on aura l'occasion de s'en reparler plus en détail, donc d'écologie comportementale, donc appliquée aux mammifères du Québec, par exemple. Ben oui, pourquoi pas. D'accord. Alors, c'est un rendez-vous pour une prochaine fois. Merci beaucoup, M. Barrette, d'être venu encore une fois nous parler d'évolution et de comportement animal. Merci à vous.